Le chat du rabbin de Johann Svar, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Sixième épisode, le Malka des lions. Une fois à Oran, tandis que mon maître était parti égorger les poulets, je suis resté avec le Malka des lions. Évidemment que je sais chanter en arabe, mais pour les prières musulmanes, je n'ai pas le droit. Je peux entrer dans une mosquée, me recueillir avec les autres croyants. Ma prière et la leur vont au même endroit. Mais, comme je suis juif, l'Éternel ne veut pas que je serve un autre culte que celui qu'il m'a destiné. Il parle hébreu, Dieu ? Je ne sais pas. Ma mamie, elle dit qu'il parle castillan. Non, peut-être pas castillan. Mais Dieu est incapable de parler. Oh, qu'est-ce que t'en sais, microbe ? Il est tout seul dans son immensité. À qui veux-tu qu'il cause ? Ces créatures, pardon ? Ah bon ? Parce qu'il te parle beaucoup à toi, mon Dieu ? Attends, non, ça va être à moi, là. Oh, un lion ! Gardez votre calme, les enfants. Restez derrière moi. Avec l'aide du Tout-Puissant, nous allons repousser ce fauve. Priez ! Priez ! Mais vous voulez être dévoré ou quoi ? Voilà, c'est bien. Par Daniel, je t'en conjure, retourne à ta femelle, lion féroce. Par Judas qui te fit trôner au blason de ton royaume, je te l'ordonne, retourne à tes petits. Laisse en paix les enfants d'Israël. Allez. Merci, Malka. Sans vous, nos petits étaient perdus. Merci. Merci. Je reverserai une partie de cet argent aux pauvres. Merci, Malka. Il donne vraiment aux pauvres ? Parfois, quand je lui prends. Le Malka et son lion ont l'habitude de voyager à pied. Ils peuvent parcourir de longues distances dans le désert sans se fatiguer. Mais ma claque, moi, de crapahuter sur les cailloux. Monte sur mon dos. Oui, mais j'ai des scrupules. T'es vraiment vieux, quand même. Oh, merci du compliment. Allez, grimpe. Je voudrais pas abuser non plus. T'en fais pas, moustique. On arrive bientôt. Il y a un serpent qui nous suit. T'inquiète, je le connais. Tu fréquentes des serpents, toi ? Ben oui. Et celui-là, ça fait longtemps ? Oh, des années. Laisse-moi dormir. Va-t'en, sale bête. Je te fais peur, hein? Pourquoi tu nous suis? Parce que le Malka des lions, il connaît toutes les oasis. Et moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Sans lui, je croupirais sans cesse sous le feu du désert. C'est pour ça que tu les mords pas? Lui et son lion? Oh, le lion, je lui ai déjà proposé plein de fois de le mordre. Mais c'est lui qui n'est pas d'accord. Oui, ben je te signale à toute fin utile que moi aussi je suis pas d'accord pour que tu me mordes. Je m'en fiche de te mordre, moi. Et le lion, alors? Lui, c'est pas pareil, c'est un ami. Je lui proposais ça comme un service. Un service? Mais parce que ta morsure, c'est un cadeau, peut-être? Bien sûr. Je comprends pas. Tu es trop jeune. Maintenant, laisse-moi dormir. Ah ! câlin, ou tu es frileux. Oh, avec vous les chats, on ne sait jamais. Ni l'un ni l'autre. J'ai peur du serpent là-bas. Mais tu sais quand même qu'il y a un serpent tout vert qui veut vous assassiner rien que pour vous faire plaisir. Dis-toi. Tu vas tirer toutes les bêtes de la nuit. Avec le Malquin et le Lion, on s'arrête dans les villages. On refait à chaque fois le spectacle. Oh, mais c'était la plus belle des filles. Mais son père, le Quen Gadol, la tenait enfermée dans une chambre avec les volets clos. Aucun mari n'était assez bon pour elle à ses yeux. Pourtant, elle avait un bien-aimé auquel elle avait juré fidélité. Chaque matin, en allant à la synagogue, il faisait halte sous sa fenêtre. Elle était obligée de le contempler à travers les volets. Et en silence, elle lui envoyait des baisers que le vent emportait. Attention, mesdemoiselles, attention! Derrière vous, un lion féroce! Malka, mais il n'a plus l'air tout jeune, ce lion! Il ne doit pas être bien dangereux! Allez, rentre. Ah, c'est toi, Malcolm. Donne-moi un verre de vin. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air morose. C'est mon lion. Il ne fait peur à personne. Tu devrais en changer, tu sais. Oh. Celui-là, il serait même plus bon à faire une descente de lit. Oh. Serpent. Oui. Je crois que je vais avoir besoin de toi. Très bien. Tu me diras quand. Maintenant. Non, arrête! Mais ça va pas. Non. Un ami, on ne le tue pas. Un ami, on lui dit que ses soucis, c'est pas grave et qu'il faut profiter de chaque instant. Tu as vécu trop longtemps dans les villes, toi. Si tu tues le lion, moi je te tue. T'y arriverais pas. Ah ouais, tu paries? J'ai du sang de mangouste par ma grand-mère. Alors, serpent, tu te décides? Oui, ben... J'ai pas envie de finir déchiqueté par un chat, moi. Et toi? Tu laisses faire ça? Malka, ce lion te sert depuis des années et toi tu veux t'en débarrasser? Mais quelle sorte de maître es-tu donc? Arrête de lui miauler dans les oreilles. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Arrête. T'as envie de mourir parce que tu es vieux. Parce que tu as l'impression de ne plus servir à rien. Tu n'as rien compris. Mon maître est bien plus vieux que moi. Non, si je veux disparaître, c'est parce que je suis un lâche. Je refuse d'assister à sa déchéance. Monter la garde. Et vous? C'est dangereux de rester ici. Vous devriez rentrer chez vous. Tiens, Malka, merci pour ta protection. Mais je peux pas rester chez moi, j'ai du travail. Oh. devriez tous rentrer chez vous. Je vais monter la garde. Un lion. On a signalé un lion dans les parages. Rentrez tous chez vous. Un autre jour, on a rencontré une tribu dans le désert. Salam alaikum. C'était des amis de Malka. Le soir, il y a eu une grande fête. Le Malka était assis à la plus belle place, celle de l'hôte d'honneur. Et les filles du chef ont toutes dédaigné les beaux jeunes hommes présents pour venir s'asseoir à côté de lui. Elles écoutaient ces histoires avec passion. Le feu des bédouins se reflétait dans leurs yeux cernés de kohl. Et pourtant, le Malka ne semblait pas heureux. Pourquoi il a fait cette tête toute la soirée, ton maître? Les femmes n'avaient Dieu que pour lui. Est-ce que tu peux être naïf? Justement, ça lui a donné un coup de vieux. Je comprends pas. Le chef des Bédouins n'aurait jamais accepté que ses filles papillonnent autour de lui s'il avait encore été un homme dangereux. Comment ça, dangereux? Le Malka est considéré comme un ancêtre maintenant. Un ancêtre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Les filles lui ont toutes dit qu'il était le plus séduisant des hommes. Idiot! Le simple fait qu'elles le disent publiquement prouve qu'elles ne le pensaient pas. Mais en payant, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, non? Il n'est pas riche, tu sais. Les occidentales, elles doivent aimer ça, le coup du sauvage avec son lion. Tu parles. Arrête! Le Malka, c'est le Casanova du désert. Tout le monde sait ça. Tu te trompes. Le Malka, c'est l'homme d'une seule femme. C'est toi. Ma fleur de palmier. Tu m'as tellement manqué, ma gosse. La vieille, là, c'est sa femme. Mais depuis toujours. Mais et les autres, là, les conquêtes. J'ai jamais connu personne d'autre. Et ça doit bien faire 30 ans que je sillonne le désert en sa compagnie. Tu as faim. Tu as faim. Viens, je vais te préparer quelque chose. Une nuit, je me cacherai dans leurs souliers et je les mordrai tous les deux en même temps. Comme ça, ils mourront ensemble. Ce sera mon cadeau. Tu sais à quoi j'ai pensé? Dis-moi. Je crois que tu devrais aller dans un cirque. Ben oui. Là-bas, tu serais nourri. Tu dormirais au chaud. Et ça serait mieux pour le lion. Il doit avoir mal au dos à force de dormir par terre. Mais enfin. Et toi aussi, non? Non, je ne ferai jamais du cirque. Buffalo Bill a fini dans un cirque. Ça n'a rien de déshonorant. Eh bien, Buffalo Bill et moi, nous n'avons pas la même conception de l'honneur. Des hommes sont arrivés dans l'oasis et se sont installés à la terrasse. Ils n'ont même pas salué Malka. Quoi boire ici? Ils se sont mis à tutoyer la dame parce que c'était une berbère. Alors, ma jolie, tu voudrais pas enlever ton voile un peu pour nous, hein? Le Malka leur a cassé la figure, à main nue d'abord, puis avec une table, des bouteilles, une clé à molette. Il leur a fait croire qu'il était fou, qu'il allait les décapiter. Pour finir, il leur a filé des coups de pied aux fesses. Le camion a disparu dans la poussière. Tu vois que tu n'es pas si vieux. Je ne suis pas vieux du tout. Mais je n'ai plus de succès. Moi, je t'aime. L'amour n'a rien à voir avec ça. Ce que je veux, c'est qu'on m'admire. Avant, quand je racontais mes histoires, tout le monde était fasciné. Oui. Tu es une légende. Il paraît. Et aujourd'hui, quand les gens me voient, ils sont toujours déçus. C'est qu'ils sont bêtes. Le Malka était si triste qu'il a voulu fuir dans le désert pour y disparaître à jamais. Que personne ne sache ce qu'il était devenu. Il voulait que les générations futures cherchent sa tombe pour s'y rendre en pèlerinage. Qu'elles se recommandent de lui. Il voulait qu'en chaque coin du désert, les gens disent « Le Malka est enterré par là ». Un jour, il est tombé sur une synagogue éloignée de tout. Les synagogues sont les plus vieux temples monothéistes du Maghreb, car des juifs vivaient déjà là, au temps de l'Empire romain. Il a chanté pendant des jours et des jours, en araméen, en ladino, en judéo-arabe, en kabyle, en hébreu, en espagnol. Il a chanté en arabe aussi. S'il continue à chanter aussi bien, je ne suis pas prêt de le mordre. Je te comprends. Or, un prince des montagnes qui passait par là a entendu son chant. Il est allé le voir pour le congratuler. Barakallahu fik. Que la baraka soit avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Et puis, il l'a invité dans son palais. Même dans le paradis d'Allah, les anges ne peuvent pas chanter mieux que toi. Pour le plaisir que tu as donné à mes oreilles, je vais te faire un cadeau. Tiens. Un fusil. C'est une très bonne arme. Qu'elle te protège de tes ennemis. Choukla. Le prince et le Malka sont devenus très proches. Ils chassaient ensemble. Ils se disaient des secrets. Ils ne se quittaient plus. Jamais je n'ai entendu une aussi belle voix que la tienne. Ah, Malka, mon ami. Pourquoi donc ne t'ai-je pas connu plus tôt? C'est que j'avais d'autres lions à fouetter. Reste ici, mon frère. Je t'offrirai un orchestre, une école de chant, des terres. Tu feras l'appel à la prière. Ma mosquée deviendra ton royaume. Mais... Veux-tu devenir mon muezzin? J'ai déjà congédié l'ancien. Je ne veux plus entendre d'autre voix que la tienne lorsque j'irai prier. Altesse, je suis très honoré, mais je ne peux accéder à une telle requête. Et pourquoi ça? Le dieu des juifs ne serait pas content. Et le dieu de l'islam non plus. Ce n'est pas un dhimmi de remplir les mosquées. Ta voix est belle. Et ce qui est beau mène à Dieu. J'ordonne que tu fasses l'appel à la prière. Non, je refuse. Ta voix ne t'appartient pas. Et tu dois m'obéir. Tout ce qui vit dans mon royaume me doit obéissance. Je n'obéis qu'à l'Éternel. Dans la Torah, il est écrit que les Juifs doivent obéir aux princes des pays où ils résident. Est-ce que je me trompe? Non, Altesse. Ce commandement existe bien, en effet. Alors fais-le. Le Malka s'est isolé pour faire ses prières. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Elyonim Ve'ed. Et quand le soleil s'est couché sur la ville du prince, il est monté au sommet du minaret. Les fidèles s'étaient rassemblés pour l'écouter prier. Mais au lieu de se mettre à chanter que Dieu est grand, le Malka s'est jeté du haut de la tour. Le prince a ordonné qu'on se saisisse de sa dépouille, qu'on le démembre et qu'on le souille, afin qu'il ne puisse jamais jouir d'une sépulture consacrée. Mais le lion a bondi. Il a pris le Malka dans sa gueule. Personne n'a osé intervenir. Et il l'a emporté avec lui. Il a marché jour et nuit, emportant le corps de son maître. Il était si triste qu'il ne voyait plus rien autour de lui. Une balle l'a atteint derrière la tête. il a encore trouvé la force de se réfugier dans un lieu secret, au milieu des rochers. Et là, le Malka et son lion sont morts, tous les deux enlacés. Une tempête s'est levée, et le sable les a recouverts pour l'éternité. Le prince s'est retrouvé tout seul dans son palais. Il avait fait tuer l'unique ami qu'il avait jamais eu. Lui qui n'aimait rien tant que les chansons, il avait causé la mort du meilleur des chanteurs. Et pourquoi ? Pour ce dieu que l'on n'entend jamais. Alors le prince a renié Dieu. Mieux vaut l'alcool que Dieu. Et une nuit, le serpent l'a endormi pour toujours. Et voilà. C'était l'une des nombreuses fois où je suis mort. Et il est dit que si quelqu'un va au désert pour y chercher ma tombe, il la trouvera. Mais seulement s'il a le cœur pur. Une autre. Allez, Malka, raconte-nous encore une histoire. Mais pour ça, il faut me payer, les petits amis. C'est tout un métier, vous savez. Allez, par ici, la monnaie. Voici. Voilà. Merci. Bien. Eh ben, elles ne valent pas bien cher, mes histoires. Hé, Malka ! Ah, voilà mon maître qui revient. Avec les poulets, j'espère. Alors, cousin ? Abraham ! Dis donc, ça vaut le coup, l'abattage rituel. Je reviens de chez Benaziraf, le drapier. Il m'a offert 4 dindonneaux, regarde. Razak ou Barour ? Même à Oran, tu te débrouilles pour faire le rabbin, toi. Ben quoi, c'est mon métier. Mais égorger les poules, ce n'est pas digne d'un rabbin moderne. C'est ça, parle comme mon gendre, bourricot. Allez, viens plutôt m'aider à plumer ces volailles. Peut-être que ton gendre est un meilleur rabbin que toi. Peut-être, mais à lui, on ne risque pas de lui offrir des dindonneaux aussi succulents. Les gens, ils le voient avec son costume de pathos, là. Ils n'osent pas lui faire des dons. Ils se disent que ça va peut-être le vexer. Moi, Dieu bénisse, il me faut un cadeau. Ils croient que ça porte bonheur. Oui, mais ils te prennent pour une vieille gitane avec tes pantalons de Mozabit. Quoi, tu trouves que je suis mal habillé ? Non. Mejorado 100 años. Sois sanctifié, oh Abraham, pour tes volailles providentielles. Ça va, merci pour les bénédictions. Mais passe-moi le plat plutôt. Que sinon, ton lion, il va tout manger avant nous. À suivre. Le chat du rabbin. De Johann Sfar. Adaptation. Catel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar est publié chez Dargaud. 6e épisode. Avec Rufus, Jonathan Cohen, Charles Gonzalez, Fred Ulysse, Mahmoud Saïd, Quentin Bayot, Abel Aboualiten, Elisabeth Mazev, Jemel Berek. Et les voix de Henri David Cohen, Lisbeth Arasi, Pierrick Tardieu, François Hatt, Stéphane Butel, Charles Zevaco, Libert Ramad, Thomas Ducasse, Adrien Michaud, Anne Carte, Léa Moscovitz, Ève Rouvière, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hainaut. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Aussire.